Aujourd'hui, le vendredi 9 août 2013, l'errance, les errances canadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de notre entreprise en manque de direction. Oh, tu l'as manqué. Je lui ai manqué un petit peu, l'avez-vous senti? Ben, c'est comme un petit chaos, là, à l'intérieur de la bulle. J'ai manqué d'oxygène, mais j'ai récapitulé en éternuant un bon coup. Et puis, je remercie infiniment tout le X2O qui est rentré dans L2O, puis 3O, 3K, 4O, 2O, 4O, 4O, 4O, a été infiniment partant. Je ne commencerai plus, madame. Je ne suis qu'un sauvage, comme la saucisse et le riz. Oui, ma... Oui, d'accord. On y va dessus. C'est pas vrai. C'est vrai, madame. Ce qui se passe depuis le début, là... C'est pas vrai. Oui, depuis le début, c'est vrai. Allô? Oui. Hein? Un petit roux d'enregistrement. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne et dramaturge Julie Maurice Demouriot. Sans vous en dire un mot de plus, je vous laisse tomber sous le charme de cette demoiselle qui nous dévoilera sans aucune pudeur son cheminement particulier. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous en... Non, c'est pas le générique, madame. Biffez-moi ça. Sur le champ. Loin de la saucisse sauvage. Sinon, je deviendrai comme le cheval sauvage. Et je risque de galoper vers vous et de vous lancer des... Ça, c'est mon cheval. Il fait... Mais voyons donc! Moi, il n'a pas appris à faire... Et c'est bon, veux-tu le refaire? Tu fais bien ça, le cheval? Ben oui, j'ai déjà été cheval, moi. Avec Serge Lam... Non, Jacques Brel, quand j'étais cheval. J'étais un cheval mal rayé. Et c'est ainsi que je me suis derrière. Alors oui, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement. Et en avant, la zizik. La zizik en bézik, hein? À bézik. Non, la zizik à pied. La zizik à pied, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau, un mal de tête dans l'eau. Bien changé d'allure avec ton nez au ciel et tes yeux qui papillonnent, ton petit chien qui frissonne. Oh, tu ne me trompes pas, va avec ton cinéma, ta robe et tes chaussures de la couleur de ta voiture. Excuse me, lady. À d'autres, mais pas à moi. Tu étais jeune et tendre. Il était bien trop riche. Vous deviez vous comprendre. Lui le loup et toi la biche. Pour un double coup de foudre, c'est vraiment très heureux. Et tu peux jeter de la poudre aux yeux de qui tu veux, mais excuse me, lady, à d'autres, mais pas à moi. Excuse me, lady, à d'autres, mais pas à moi. Te souviens-tu quand même, quand on était bohème, c'était toujours la fête, on vivait d'amour et de café crème. Toi tu as pris ta route, moi j'ai suivi la mienne. Tu m'as bien manqué sans doute, mais depuis tout à l'heure je n'en ai plus de peine. Excuse me, lady, à d'autres, mais pas à moi. À d'autres, mais pas à moi. Oh non, à d'autres, pas à moi. Ouais, dans l'intimité, ouais. Ou alors ils vont, pour s'exprimer, du coup, ils vont avoir, pour s'exprimer comme moi, je viens de m'exprimer, ils vont avoir besoin d'alcool, de, voilà. Et toi, c'est naturel? Ben moi, je fume, quoi, j'ai pas besoin de boire pour ça. Un petit strand, puis c'est fini. Ben, même pas, voilà, tu vois, ouais, même, c'est ça, au réveil, ouais, okay. À jeun, oui, c'est ça. Ouais. Hey, j'ai 10 questions à te poser. Ah ouais? Ah, ben là, t'es pas tout à fait à jeun, là, mais... Non, mais quoi, le citron a fait son effet, et voilà, tu t'es... T'as 10 questions, tu dis? Oui. Ben allez. Ben, je suis en train de parler de ton... Il faut relaxer, là. Ah, mais d'accord. On est à un endroit où tout bouge rapidement, mais ici, c'est un arrêt sur image. Lâche ton biberon. OK. Si tu étais... Ah, ben, tu me fais rire parce que tu peux penser à quelqu'un. Si tu étais un liquide... Un liquide? Oui. T'es encore au... accroché à sa paille. Ouais, mais ça, on est d'accord que toutes les réponses que je vais donner, c'est valable à l'instant présent et ben oui, ça sera ben oui. valable dans 2 ans. Dans 10 ans, on réécoutera puis on... Un liquide. Oui. Moi, je verrais un liquide. Mais pourquoi je pense à ça? Après, je sais pas, c'est les trucs instinctifs qui... Oui, vas-y. Je sais même pas comment on appelle. Mais c'est quoi? T'existe. Mais c'est quoi? Une sorte de liquide qui... Une pâte liquide... Du mercure? Je sais pas, j'en mets pas tous les jours du mercure. Mais une sorte de truc un peu lourd qui se plomb, fond, un genre de plomb... Un plan liquide, un plan liquide. Oh, oui, tu fais bien ça, le plan liquide. Oui, c'est merveilleux. Je sais pas pourquoi je dis ça après. Une sorte de liquide, mais okay. consistant, tu vois. Ok. Genre, il coule, mais il est semi-dur. Okay. On peut quand même le toucher, mais il coule, il s'échappe okay. et il est consistant. Et... Il n'est pas spécialement beau, hein, d'ailleurs, hein, okay. mais il est consistant. Ok, oui, mais c'est bien. Soyons consistants. Ouais, voilà. Mais t'en boirais-tu, non? Du liquide? Ben, ce liquide-là. Bah, si je veux mourir. Okay. Si tu étais une ville et tu veux pas mourir, tu veux être éternel, donc ouais, on est loin de... Okay. Je sais pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Si j'étais une ville. Oui. Une ville que je connais pas. Bah, une ville, n'importe quelle ville. Ah, mais justement, je serais une ville que je connais pas. Ok, laquelle? Bah, si je la connais bah, pas. Bah, mais invente-la, le nom de ta ville. Ah, mais je sais pas, moi j'ai okay. envie de découvrir okay. un truc bizarre. Non, j'ai découvert le nom d'une ville tout à l'heure. Je te l'ai... Non, c'est le nom d'une rue. Laquelle? Vavin? Non. Hein? Mais ça marche pas une rue. Bah non, une ville. Une ville Non, je te dis là où je vais partir en vacances. Mais ouais, tu pars en vacances en plus. Attends, pour une fois là, ça fait des okay. années. En amoureux en plus, ce truc qui m'est jamais arrivé. Incroyable. Quelle fatigue extrême. Comment ça s'appelle? Attends, Hendaye. C'est où? Ah ah, c'est près de l'Espagne. Pourquoi tu vas là? Pays basque. Bah parce que j'y suis jamais allée. Ouais, mais lui vient de là. Non, parce qu'en fait, si. En fait, il y a un truc génial. C'est que c'est une des rares un rare coin en France où t'as la mer et la montagne. Ok. Et en plus le studio qu'on loue, il est vraiment au milieu de la mer et de la montagne. C'est mieux que la mer dans la montagne, hein? Parce que ça peut être intéressant aussi, la mer dans la montagne. Ouais, tu peux faire de l'alpinisme sur le bord, c'est une histoire. Si tu étais une langue. Tu peux plonger. Oui, tu montes sur la butte et pouf. Une langue. Alors moi évidemment je pense à la langue que j'ai dans la bouche. Oui, vas-y. Tu vois, je suis tellement ailleurs. Oui. Bon bref. Ben voilà. Ok. Tu gardes ta langue. Je garde ma langue. Non mais t'as vu? Non mais une langue, je comprends bien ta question. N'importe quelle langue, mais toi tu gardes la tienne. Ah ben voilà. Non, t'as compris ce que je voulais dire? Oui. La langue. Écoute, Jean-Claude Dreyfus m'a dit une langue de cochon. Et d'autres me disent une langue parlée. Mais toi, c'est ta langue à toi. Ben, si tu étais une langue... Tu gardes la tienne. Mais moi, je parlais de la... C'est n'importe quelle langue, là. Oui, ben, c'est très radiophonique. Elle tire la langue en me la montrant, c'est ça, là. OK. On est d'accord? Oui, moi, j'appelle ça une langue. Non, d'accord. Non, mais une langue, un langage, toi, tu peux aussi, dire une langue aussi. Française. Mais toi, tu gardes ta langue. Moi, quelle langue? Si j'étais une langue, qu'est-ce que je serais? Oui. C'est marrant parce que j'aime beaucoup... sans rigoler, la langue, oui, mais... D'accord. Mais j'aime beaucoup la langue des signes, en fait. OK. Le muet. Il faut que je m'y mette, en fait, tu vois. Parce que je trouve que ça devrait être la langue internationale. C'est vrai. Mais au lieu de l'anglais. C'est vrai. Tout le monde devrait, en plus, à quelques rares... Chaque période aurait peut-être son expression. C'est vrai. Mais on doit vraiment tous communiquer avec tout le monde, à part ceux qui n'ont pas de main, Oui. Oui, ça c'est moins drôle, oui, effectivement. Les manches. Si tu étais une époque, non, c'est bon. Excusez-moi. Non. En même temps, maintenant, il y a des prothèses.

I went to my mother. I was loaded down in tears. I told my mother I lost the one I had for so many years. I told her that I loved her. I told her that I care. I looked all over the world for my baby. I can't find anywhere. My mother put her hand around my neck. She said, I tried to tell you, it's too sad to everything. And that mean love too, and it's a hand game. Somebody that don't love you, you know it's a hang thing. Now everybody can't win. You know somebody got to lose. Well, since I lost you, my world is turning a sad shade of blue. Yeah. et que Dieu nous protège. Exactement. Okay, oui, c'est vrai. Excuse-moi, je suis pas très bon public, mais... Non, mais moi non plus, je suis pas un très bon public envers moi-même. Si tu étais une époque... Une époque... Oh, je pense que j'aimerais quand même bien, je peux pas dire, voilà, en ayant fait le lion quand même, l'époque de la préhistoire quand même. Okay. Voilà, genre on s'en fout de l'aspirateur, on passe le balai. Oui, surtout, oui, en dessous d'un lion, tu lèves les fesses du lion, puis allons-y donc, il n'y a pas de problème là. Hein. Oui, tu sais, avec les poils partout, oui, le truc, c'est on ça. S'en fout, et puis on a les seins à l'air. Et, Oui, ok. Ben, mais ça existe encore. Et on ramène les... Non, mais ça existe encore, c'est pas terminé. Voilà, vous, ok, alors dis, peut-être maintenant, ailleurs. Ouais. Okay. Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Oh, je sais pas pourquoi, tout de suite, celui qui me vient, c'est merci. Merci, oh, de rien. Si tu étais un aliment. Un quoi? Un aliment. Bouffer, manger. Un aliment. Oui, mais je dis aliment. Si j'étais un aliment. Je serais un aliment qui se mange sous différentes formes ou qui se trouve sous. Qui se quoi? Qui se mange sous différentes. Qui soit oui. Transformable. Dans la, en bouche ou transformable Partout. Ok. Alors quand tu le cuisines, quand tu... Okay. Qu'est-ce qu'il y a comme aliment qui... Il y en a plein. Ben, ça peut être le steak, ça peut être... Alors je pense plus que je... Le tofu, il n'y a rien de pire que ça. J'haïs le tofu, donc... Si tu mets la sauce, une sauce quelconque... Non, allez, j'aime bien, j'ai envie de te dire comme ça, sans réfléchir, sans anecdote, sans machin... Ouais. Un œuf, allez hop. Un œuf. J'allais dire une pomme et puis là j'ai envie de dire un œuf parce que j'ai un truc que j'aimerais bien réaliser une fois, c'est faire une bataille d'œufs. Ok, j'espère que et je serai pas là. J'aime bien les œufs, ils se transforment. Ils se transforment en quoi, en poussin? Ils se transforment en poussin. Ils se transforment en œuf dur, en omelette, okay. en... Ok, c'est vrai. Si tu étais une saison... Bon, à ce qui paraît, mon signe astrologique... Quoi tu as l'astrologie? Diabolique personnage. Non, en fait, j'étais baignée dans ça par rapport à ma chère et tendre mère qui allait voir des... Il y en a beaucoup d'astrologues. Voilà, ou des voyants. Bon, bah, c'est encore autre chose, hein. Pas tout mélanger. Mais, bah, c'est la même chose. Bon, voilà. Mm. Mais... Du coup, en fait, étant petite, comme ma mère, elle se prenait des trucs gémeaux, t'es petite, tu fais comme ta mère, tu dis, bah, donne-moi mon truc scorpion. Et puis, j'étais baignée dans ça, je voulais savoir, nanana. Et bon, alors, pour en revenir à la saison, par rapport à mon signe, ma naissance, tout ça, c'est l'automne. Ouais. Se disant que je dois aimer ça, tout ça. Mais franchement, j'ai aimé ça, machin, la souffrance et tout, les trucs qui tombent pour mieux renaître, d'accord. Mais maintenant, c'est le printemps. Ok. Ouais. Alors, c'est le printemps. Bah ouais, parce que c'est quand même fun de voir les bourgeons, tout renaître. En plus, c'est éphémère, alors c'est beau. C'est surtout après l'hiver, après un moment difficile, surtout au Québec. Exactement, et puis voilà, c'est éphémère, encore une fois. Les fleurs, hop, elles sont là, elles sont magnifiques, elles volent et hop. C'est vrai. Puis après, t'as les fleurs blanches, t'as... Ah, je pensais à un lion. Pardon. Non, t'as des tapis blancs. Ah oui, bref, c'est vrai. C'est vrai. Ça vole dans les cheveux, c'est magnifique. Et voilà. Tu éternues parce que moi, je suis allergique à ça. Ouais, désolé, pas moi. Non, mais il n'y en a pas. Donc, je compatis. Oui, d'accord. Si tu étais un autre individu. Ben, voyons. Allez, hop, je vais te dire mon arrière-grand-mère. Ah oui, pourquoi? Tu l'as connue? De 96 ans, qui est toujours vivante. Elle est toujours vivante? Je fais un documentaire sur elle. Ah, ok. Je co-réalise un documentaire avec une jeune réalisatrice formidable qui voudrait que tu interviewes. C'est ton ami Facebook. C'est ton ami Facebook? Ouais. Ok, Aurélie? Boivin. Ok. Ah, Boivin, c'est très québécois en plus. Ah bah voilà. Ah oui, ok. Ouais, je suis sûre que tu viendras. Mais là, vous êtes rendu à combien d'heures? Ah, on a 15 heures de rush. Mais ça fait 3 ans qu'on a tourné. Et là, on s'y remet cet été au montage. C'est bien parce qu'on est passé par plein de chemins, on a toujours travaillé, tout ça. Mais là, on a fait une pause parce qu'on avait plusieurs projets, chacune de notre côté et ensemble. Et là, on reprend ça en juillet. Puis moi, par rapport à mon travail le soir, c'était pas facile de se voir, le moyen technique, les trucs. Est-ce que c'est filmé en HD? C'est filmé en... Je sais pas. Oui, en HD. Ah, oui, ok, c'est ça. Parfait, ok. Je suis en train de... Tous les trucs. Question de la fin. J'ai une bonne question de la fin. Très bonne question de la fin parce qu'on en a discuté. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Parce que tu es toute jeune, tu as 26 ans. Absolument. OK. De la même façon, sans aucun... Moi, oui, ouais. Après... Ben, moi, oui. Après, est-ce que demander à celui... je sais pas, hein, je sais pas si tout est écrit sur Terre, mais à demander à quelqu'un qui nous a mis sur cette Terre de dire, bah, ok, tu es quoi? Écoute, mets-moi dans une autre situation, avec une autre famille, avec, enfin, un autre pays, ouais, ouais. Voilà, bref. Strands on my cape. tell me tonight. I didn't ever find the sight. I simmer the strings on my kite. I'm gonna go. Hey, non, mais attention, hey, monsieur. Parce qu'il m'a arrêté de même dans le gras de la jambe, lui, là. Je dis, lâche-moi, mais non, j'aime ça le gras, moi. Excusez-le, car il ne sait pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Hey, non, mais au Québec, on est habitué à ça, là. On nous fait même plus choisir entre les deux. On nous demande pas, salut, toi. Est-ce que tu veux la lune de miel ou la lune de sirop d'érable? On sait bien que la lune de sirop d'érable est beaucoup plus intéressante. Moi, vous expliquer pourquoi. On ne veut pas le savoir. Mais non, s'il te plaît. C'est mon improvisation, elle va durer 25 minutes. Hey, t'es jeune. Oui, mais moi, c'est comme Yvon Deschamps ou Guy Bedos. Ces deux-là font des numéros de 25 minutes, 30 minutes. Mais oui, mais c'est écrit. Bon, moi, c'est pas grave, moi. Là. Comme le chantait Francis Babel. C'est écrit dans la ligne de ma vie, c'est écrit dans le chemin du ridicule, c'est écrit. Voici qu'il n'y a plus d'articulation, circulation, petit démon monte dans cette tête. Tu vois, c'est très désordonné, petit démon monte dans cette tête. Et dévoile-moi tous mes excès aussi. Et les anges du Nord te flingueront dans les flammes de la vie. Et les anges s'enlaceront aux démons pour faire un enfant bien détruit. Entre la lune de miel et la lune de sirop d'érable, je réclamerai jusqu'à la fin de mes jours la lune de sirop d'érable, puisqu'elle dégouline dans un cœur rempli d'amour. Elle ne veut plus chercher, elle veut trouver l'orgasme perpétuel d'un savant fou qui gesticule et ne veut plus d'angoisse perpétuelle. Un savant qui ne veut plus d'angoisse. D'après moi, là... On veut pas savoir d'après toi. D'après personne. La lune ne veut plus entendre parler du soleil. Parce qu'on lui dit, « Hey, attention, toi, là, là. » Attention, parce que... C'est pas grand-chose, toi, là, là. La lune, là, c'est pas gagnant. Mais le soleil, oh, ça tape. Ça brûle, ça chauffe, il y a du soleil. Mais oublie pas, hein. Ce qu'on veut pas divulguer au peuple. J'ai jamais entendu parler, moi, d'un cancer de la lune. Un cancer du soleil, là. Des rayons. Non, je sais pas les rayons végétales. Hey! Depuis quand le soleil donne des rayons végétales? Ça réchauffe quoi, le soleil? Ça réchauffe les végétaux? Les végétaux sont nos amis, le chou-fleur, Rénal Gagné, Gaétan Ouellette, Rita Bibelot, Suzanne Babouin. Tous les personnages que je paye pas, parce qu'on vaut même pas la peine, ça vaut pas la peine de payer ça, voyons donc, c'est des détritus. Ça cherche même pas, ça trouve pas, c'est rien, c'est des moins que rien. Heureusement que c'est des moins que rien. Parce que plus c'est des moins que rien, moins je les paye. Je leur dis, vous donne une chance unique, moi, de passer à la radio. C'est à vous de me donner quelque chose. Là. Je suis comme un Bouddha, là. Donnez-moi des sacrifices. Là, il me dit, hey, sacrifice, moi, te donner ma fille, moi. Attention, là, à quel âge a-t-elle? Oh, mon doigt, 19 ans, bien compté. Oui. Et depuis 5 ans, elle décompte. Elle décompte quoi? Oh, mon Dieu. Elle s'est retrouvée à Amos. Amos. Oh oui, Amos. Arr, arr. Voyons donc, c'est pas Amos, c'est un fuck. Non, non. Un morse. Ah non, Amos, la ville d'Amos. La ville dans le... Oui, la molle. Oui, il y a de la dure, il y a de la mosse. Oui, c'est ça. Entre la dure et la mosse, il y a ma fille. Je voulais pas se faire voir à Québec. Parce qu'elle pratique un métier assez bizarre. Elle n'est pas danseuse, ben oui. Ah, oh, ben c'est merveilleux. Comment ça, c'est merveilleux? Ben, je pourrais la placer. Il y a des grands centres là, de danseuses Star Blues à Québec qui pourraient la révéler. Es-tu malade? Il n'y a pas de gêne à une danseuse, toi, là. Il n'y a pas de gêne à montrer l'art de son corps. Eh, hey, monsieur. Mon fils, lui, vend des corps. Ah, mon dos! Des corps de poitrine, oui! Oh. Des corps de poitrine. Bon, il me livre à quelle heure? Ah, mon Dieu, il va te livrer. Tu veux un extra corps de poitrine? Oui! Alors, est-ce que je dois te dire l'adresse? Dis-nous l'adresse. 405 3e avenue. Oui, à quelle heure vous voulez ça? Irico? Irico Macias, t'en veux pas? Non, je suis au régime. Irico est toujours au régime. Parce qu'il dit que les femmes n'aiment pas ça, les petits bedons, là. Ouais, au contraire, les femmes aiment ça, les petits bedons. Les filles, encore plus, là. Les femmes, aiment, des fois, aiment ça, c'est plus vieilliste. Oui, les petits bedons, j'aime ça des gens qui s'entraînent. Ouais, moi, écoute-moi, madame, écoute-moi dans ma tête, là. Moi, je m'entraîne. Écoute-moi, regarde pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, je montre que je m'entraîne dans ma tête. Mais ben, voyons donc, je te conseille de boire du jus de pruneau. Attention, du jus de pruneau. Voyons, lâche-toi le jus de pruneau, toi. C'est de la musculation intellectuelle. Eh, hey, monsieur, ah, moi, j'appelais ça de la zingale intellectuelle. Ah, oh, mon Dieu, il y a de la muscle. Non, il y a de la mosse. Told me I'd be number one. He knew I was innocent. connais pas. Maintenant, avec les dispositions que j'ai eues par rapport à là où on m'a mis, moi, je me sens comme une survivor, tu vois, genre quelqu'un, une revenante. Qu'on a mis en, pas une revenante parce que pour revenir, ouais, faut il faut partir, mourir, ouais, putain, poisson. Ouais. Mais non, je suis, moi, je me sens, c'est comme si, c'est comme une mouche qu'on met au milieu de l'eau et avec une feuille à l'autre bout et puis on lui dit ben. On la laisse et puis on va voir, soit elle coule, soit elle va nager. Comme c'est une mouche. Comme c'est une mouche. Elle nage. Ouais, mais elle nage et elle va trouver la. C'est une mouche intellectuelle. C'est une mouche intellectuelle. Ok, c'est la mouche de Woodland. Une fourmi qui n'a pas d'aile. Ok, non. Voilà. Mais une fourmi n'a pas d'aile. Et elle nage et on lui met un bout de feuille et elle s'en fera un radeau et puis. Oh, c'est beau. Un conte pour enfants. C'est bien. D'accord. C'est les chimas. Non, mais c'est bien. D'accord, ouais, ben voilà, tu t'en feras et tu m'enverras la copie. Oh, ok, parfait, oui. Ou alors je raconterai ça à mes enfants quand j'en aurai. Veux-tu des enfants? Tu veux te marier? Me marier, vraiment marier à la mairie, tout ça? Marier. Ouais, mais pour la journée de princesse, quoi. Incroyable, les filles, hein? La robe juste pour être princesse. Attends, mais bien sûr, on veut du rêve, quoi. Pourquoi? Pourquoi y croire à ces trucs-là, la princesse? Bah pour rêver, quoi. Bah tu peux rêver autrement. C'est un des rares trucs dans la vie qui peut faire rêver une jeune fille pour de vrai, que tout le monde peut atteindre, et puis après qui peut se transformer en cauchemar. Mais au moins tu l'as vécu une journée si t'es à fond et tu t'en rêves depuis que t'es petite. Ok. Bah même si je suis pas persuadée que ce soit le plus beau jour de ta vie, parce que bon, t'as les soucis, tu peux avoir tout le monde. T'as pas trop dormi, tu sais, bon, c'est pas... Mais t'étais bien princesse, donc c'est ça... pas te fatiguer, machin et tout. Mais, ouais. Puis après, il y a des choses que t'apprécies après, quand tu vois les photos. Ouais. Ah, j'étais princesse. Ouais, ça, je peux le faire avec les films, mais je sais pas. Bon. Non, je pense quand même que c'est émouvant quand tu marches dans... J'ai assisté au mariage de mon frère et de ma belle-sœur, et c'était... Mon frère, il pleure jamais. Et c'était juste magnifique de... Quand elle avançait parmi tout le monde dans l'église et que tu vois juste dans les yeux de mon frère qui pleurait que c'était l'émotion. Lui aussi la sorte de petite fourmi qu'il a trouvé la feuille et puis il a fait un radeau et puis là il élève des petites fourmis et tu te dis c'est ça la vie dans ses yeux c'est juste waouh, j'ai de la chance et, c'est Walt Disney mais bon Walt Disney est pratiquant quoi enfin Walt Disney Là il est surgelé actuellement donc il est congelé ça devient parallèle notre conversation mais Walt Disney est congelé. Ah oui, parce qu'il est... Parce qu'il croit qu'on va trouver quelque chose et éventuellement, nous le sortirons de ce sommeil et Walt Disney revivra. C'est un grave malade, cet homme-là. Ah ouais? Ben voyons. Qui, toi? Non, Walt Disney. Moi, oui, je le sais. Moi, il n'y a pas de problème, je le sais. Ouais, mais on est tous malades après. Il y en a qui les... Franchement, on est les plus vrais, quoi, les gens fous. Est-ce que les malades, c'est ceux qui sont constipés, comme tu dis? Non, ben, les malades... Il faut que tu fasses attention. Avant de nous quitter, je vais être, selon moi, être fou, OK? Et en être conscient... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas, c'est un spasme. Que les gens vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, être fou et le savoir, c'est déjà moins pire. Parce qu'un fou qui se dit exactement. Jamais fou, l'est. Bah oui, on est d'accord. Voilà. Ça, c'est ma maman. Pardon. Okay, je vais pas finir là-dessus, mais voilà. Mais moi, je dis je suis folle, hein. Il y a pas de... Je dis je suis malade. Non, mais t'es une folle contrôlable. Toi, tu peux te contrôler. Non, mais tu peux te contrôler. Alors ça, je suis passée par un des trucs où justement quand tu vas vraiment extrêmement dans les choses, quand je te disais, même pour une comédienne, enfin c'est bien de vivre des... Ah oh, ça j'en sais rien, après tout. Hein. Nathalie Portman, elle a tellement joué jeune, enfin il y en a, ils ont joué tellement jeune et ils n'ont pas vécu forcément les trucs. Mais c'est vrai que je suis passée par des moments vraiment pas faciles, donc, enfin comme beaucoup de gens je pense, mais où je... Non, le contrôle, non. Non, tu contrôles pas, toi? Il y a des trucs, je suis en train d'amadouer. Moi, je suis quelqu'un, je me fais peur, ouais. Tu peux perdre la carte. Là, je suis en train de, tu vois, d'essayer de devenir quelqu'un de, quand même, de justement, de me contrôler. Mais sinon, dans la vie. Tu sais pas comment tu peux réagir. C'est pas vraiment genre je me fais peur ou je sais tu pas. Tu peux perdre la carte. La carte? Ouais, perdre le nord. Non, tu peux contrôler, tu peux le contrôler. Non, je vais assumer tout ce que je fais, quoi. Mmh. Ok. Mais des fois, c'est un petit peu trop fort pour les esprits en face ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Mmh. Ouais, je sais pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, non, mais à propos de la folie. Ouais. Non. Restons fous. Ouais, non, mais ce qui est bien. Ouais. La fille qui se vante sur sa personnalité. Oui, c'est ça, je suis une folle. Non, mais ce qui est bien avec moi, c'est que par rapport quand je te dis je me fais peur ou par rapport au contrôle ou quoi. Like a stone. Once you realize you're really alone, tired as the light in a dull sky. But I gotta find a way to beat that guy. I got to find a way. Feel I gotta bite if I'm gonna bark. Can't think about slinking off in the dark. You lay down the law or lay down to die. I better find a way. I got to find a way to beat that guy. I walk the line. night is dark and day is light. I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Des chats aux yeux perçants, quand qu'un vent ne vient d'Aden pour me sabler le champagne, quand qu'un tapis ne m'envole sous les barrières, les montagnes, sous les barrières, les montagnes. Alors je m'affranchis, me désenclave, me désesclave, je m'adresse des timbres arabiscotés, des langues étranges et roulantes, aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum, et ça me désoriente. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum, et ça me désoriente. Quand je m'oxyde l'Occident, quand tout est gris, quand tout est terne, qu'ici la vie montre les dents, voudrait se croire éternel. Quand le désert parle à mon âme, me dit le vent, vient du levant, et que j'entends ces je t'attends, que j'entends ces je t'attends. Je zoome sur Oum, le temps d'une mélopée. Je zoome sur Oum, et ça me désoriente. Je zoome sur Oum, le temps de me sentir en paix. Je zoome sur Oum, au fond, check tes points. Aïe! Hello, baby! Hey! Sexy! Sexy! Woo! Woo! Woo! Hey! Sexy! Sexy! Woo! Woo! Woo! Woo! I'm so bright, my mama call me a son. Where I'm from, shit's fucked, so I bought me a gun. A president talks with a fucking fork in his tongue. Bees banging in my head, so I walk with a bump. Eat my arms out, my sweet reality. The fuck all to do if you're bleak reality. Inside back the car, I'm the boss of the game. In the overseas, just like fucking insane. Walking down the street, hot chicks calling my name. It's like I dropped the camp pass and then it's not going away. Since I dropped outside 2 years ago, it's the flick of every motherfucker who hears my flow. And I get the dope, know how to spend the dope. Rocking Alex on the wing from head to dope. Yo, say dope, it go, fuck yeah. Come to save the motherfucking day, girl. You looking for that body's legit. Take what your mama gave you, baby. Woo, woo, woo. Hey, sexy, sexy. Woo, woo, woo. Hey, sexy, sexy. Woo, woo, woo. Yo, mama, like your scruffy head on the pin, stumbling, crumbling. Where's my Can I get you autograph, please? That's what's all about me. I love partying, partying, partying. Damn, what's my main? Alex on the wing. I hang on the zip side of the train track. If I lift the camera out, you get the gold chain snitch. Face smash, brain bash, car jack. Oh shit, bounce, scream, sniffing up your horse crap. Yeah, like when we fuck off with our balls. Got sauce, put my number, cause I got the nice sauce. Girl, you looking for that body's blue. Drugs, man. No thanks, my brother. Needs nada. No game ever. Cocaine jamming up my nose, brain spasm, paranoid, motherfucking nah. I got it going on, girl. No longer signed to Intego Records. Drop them like a sack of bricks tied to my leg. Now I got them wings on my ankles. Four bars blowing and blowing in the wind. I got the good smile and blowing from within. Hip hop fucks come from move. Wat is die vraag? Kiki, laat ik je wijs maken, is de vraag. Hoe die fuck het een lelijke doel zoals jij? Eet jouw maas en mooi poes gegleid. Fucking met de auto met haar, fuck me. God knows, noemt jouw party properly. Drink no na, pust in mijn pants, pas mijn breath stinks. I'm like a dog with no legs, you find me where you left me. Stop feeling fun, this body's legit. Check what your mama gave you, baby. Dat is awesome roof in de old dog. I've put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Moi-même, et que forcément, si moi-même je sais pas à l'avance ce que je vais faire et que je me surprends, bah, je suis contente de ça. C'est peut-être c'est pas ma plus grande qualité, mais je pense que ça en c'est te surprendre toi-même. Surprendre moi-même, du coup, tu es obligé de surprendre les autres et on se lasse pas de autant dans l'écriture, autant dans les agissements, autant au théâtre, autant dans le travail. Wow, ça, il faut savoir l'exprimer après, c'est autre chose. Mais en direct, déjà, c'est cool de se dire de surprendre des gens qu'ils connaissent depuis tout le temps. Hein, que, mais bon, après, soi-disant... Non, j'en sais rien. Okay. Aurélie Boivin, qui est réalisatrice, et je travaille avec elle depuis 3 ans sur ses films. Sur le documentaire de ta... Oui, non, mais ça, c'est co-réalisation, mais je suis aussi allée réalisatrice, et moi, je suis avant tout comédienne sur nos projets en commun. Là, c'est spécial pour mon arrière-grand-mère. Et mine de rien, elle me connaît. Finalement, quand tu rencontres des gens barjots... Puisqu'elle est barjot aussi. Okay. Finalement. Bon, ça tire, hein. Ouais. Les gens qui sont finalement, comme nous, je suis pas extraordinaire, on n'est pas extraordinaire. Mais... Ben écoute. C'est on, cool. Hein. On vit des moments extraordinaires maintenant. Exactement. À l'heure où on se parle. J'ai un truc dans l'œil. Non. C'est... Ah ben moi je le vois pas là. Mais je sais que tu perds des yeux. Ah ben c'est liquide. C'est translucide. Le liquide, c'est imaginaire. Ok, non. Mais qu'est-ce que je voulais te dire donc ben merci d'être passé chez moi. Ah mais bien sûr, mais avec plaisir. Crève-toi pas les deux yeux ici, c'est radiophonique, hein, donc ça sert strictement à rien, il n'y a pas de caméra. J'ai envie de rester avec toi. Ben oui. C'était cool. Non mais j'ai pas de place dans mon sac à dos. Ah ben dommage. Dommage, oui. Ah ben le tien, peut-être une sacoche. C'était un plaisir. Et puis on devait se rencontrer depuis 2 ans. Un an. Ah bon, 2 ans? Ben oui, parce que l'année dernière au théâtre. Oui, c'est vrai, le temps. Et l'autre année, c'était parce que tu travaillais sur un projet d'écriture. Ouais. Donc, c'est cool, là. Mais là, on s'est vu là. Ouais. Et je te consacrerai, je t'enverrai le lien de cette discussion-là. T'en feras ce que tu veux. Ouais. Et toi, t'en feras quoi? Ben, une émission de radio. Des émissions de radio. Comme là, écoute, 47 minutes, c'est 3 semaines. Je te consacrerai. Émission de radio? 3 semaines. Je déconne. Non. Tu vas tout mettre? Ben oui, l'intégralité. Mais ça intéresse qui? Ça intéresse le public, ça intéresse les gens. On les a parlé de la folie. Tu vas mettre mon nom et tout? Ben oui. Ah ouais, d'accord. Ben oui, mais écoute, ça t'intéresse. Ben c'est sympa pour découvrir. Oui, mais écoute, hein, j'espère que... Ben oui, mais attends un petit peu. J'espère qu'il y en a qui vont... Ils vont allumer. Se reconnaître en moi, j'en sais rien. Qui. Et voilà. Et ben dis donc. C'est ça, tu peux remettre à ta meilleure amie. Là, Génial. OK. Et donc, comment ça fonctionne? Vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est qui ton public? Moi, je sais même pas ce que tu fais de toi. Rien, je fais rien. Moi, c'est un faux micro. C'est... En non, fait, non, c'est génial de... d'être aussi libre et de pouvoir interviewer Michel Aumont et puis une inconnue. Non, mais, c'est... mais la liberté. Ben, je sais pas si. Ben, on est libre aussi. Tu es libre, je suis libre, nous sommes libres. Je vais pas faire de la conjugaison. Tu des personnes un petit peu inconnues, puisque moi, j'ai a priori, t'as rien vu trop de ce que j'ai fait. Ça m'étonne un peu, en fait. Je croyais qu'on allait parler, je m'attendais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais que c'est ma première interview. Oui. Comme ça, Ben écoute, on a parlé, c'est ce qu'on a fait. Ben c'est magnifique. C'est des rencontres radiophoniques, c'est pas du journalisme, c'est pas. On rencontre quelqu'un, riche. On plante un micro, on discute, il n'y a rien, on l'oublie. Et on fait ça souvent, on fait les lions. Ben on est tous des inconnus. Ouais, t'as raison. Mais bon, pour Amon, tu ne connais pas Amon? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais, Amon? Marcel Amon? Oui. Oui, maintenant je vois qui c'est, oui, je l'ai vu au théâtre. Non, c'est un chanteur. Non, c'est pas vrai. Marcel Amon? Michel Amon. Michel Aumont. Oui, Michel, oh, ouais, c'est Michel. Oh la honte. Moi, c'est le chanteur, il a 83 ans. Donc, écoute, mais c'est celui qui a travaillé avec. Oui, il a travaillé avec Édith Piaf, ok? Pas, attends un petit peu, il a travaillé avec Édith Piaf. Alors, c'est un homme qui devrait être connu et que c'est une minorité qui le connaisse. Et toi aussi, c'est la même chose. D'accord. Mais toi, top. T'as 26 c'est ans, top. Donc. Mais top. Oui, puis surtout, c'est l'endroit où ça s'est fait, je trouvais ça super extravagant. Ouais. Alors, mais le but de l'émission, c'est de rencontrer. Non, non, mais écoute, même au Québec, je leur ferai connaître comme je te fais connaître. Ah. Et le but de l'émission, c'est de décrypter 20 minutes de rencontre par émission. Donc, c'est d'une durée de 60 minutes actuellement. Un peu plus, 65. Et donc, c'est de placer ça à travers des chansons, ouais. 60 minutes de musique, d'entretien et 60 minutes d'improvisation. Les vidéos que tu peux voir dans mon émission, c'est uniquement des improvisations, mais si tu vois sur mon site officiel qui est juste là en bas, là, ouais. Que tu es en train de tordre, et tu vas. Oui, mais gentiment, oui, je sais, tu mais fais comme j'adore, jeu de cartes. Ça, moi, j'aime oui. bien. T'es une magicienne. Oh, oui, c'est ça, t'es une magicienne. Carte. Oui, les cartes de magie. Et donc, quand tu vas en bas, tu vas avoir même les émissions, l'intégralité qui dure 120 minutes. D'accord. Et tu as la musique, les rencontres, les impros, et l'amalgame est là. Mais pourquoi je me filme, c'est tout simplement parce qu'au début, lorsque j'en faisais il y a 7 ans, les gens ne croyaient pas que j'étais seul. Ils croyaient que c'était des personnages qui arrivaient vraiment et que j'avais embauché ou que j'avais choisi sur le top pour entrecouper de l'émission. Et lorsqu'on regarde, on voit que je suis seul. Donc, celui qui coupe mon émission, c'est moi-même. Je m'entrecoupe moi-même. D'accord. Et je suis habité par des gens qui viennent court-circuiter le bon fonctionnement de cette émission anarchiste. Ben, dis donc. C'est tout à fait cinglé, c'est tout à fait désopilant et qui tient rarement la route. Et c'est le but de la manœuvre. D'accord. Donc, la folie a sa place et nous l'avons c'est eu. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, un dans visage le fœtus de moi. De ta maman? Non, pas du tout. Ça, c'est moi. Et ça, c'est encore moi. Regarde. Mais ça, sérieusement? Ah oui, attends, on va arrêter. Et merci. Hein? Que je t'en prie. Merci. On arrête et je t'explique. Ouais, bisous. Bisous, tourlou. petite poupée, je t'emmène à l'inconnu. Je ne l'ai jamais visité, mais nous y serons bienvenus. Paraît-il qu'il y fait toujours bon, paraît-il. C'est une presqu'île, paraît-il. See.